l'été se meurt dans la chatte de l'industrie. Bientôt je raye verbatim. Je vous dis titre sur un scudi. Les frères, les sœurs veulent des concerts, faut déjà je pèse l'agoraphobie. Regarde l'anomalie, s'étendre, le F n'a pas encore tout dit. Avant de péter les portes de dehors, pète déjà les portes ton crâne. Je me suis drogué toutes ces années en espérant souffler la flamme. La vérité sort de la bouche des gosses et celle des sporutis. Le ciel pleure sur ma cabane today, cela me rend nostalgique. De l'époque où je faisais mes passes dans les toilettes publiques, où le silence et les araignées m'écoutaient bien plus qu'un psy. J'en veux au monde, j'en veux au môme. Chaque jour je paye le prix de ces bêtises. Même si je me détruis un peu moins, je porte encore le poids de ces cicatrices. Faut qu'on parle, je sais que t'as subi, il faut qu'on parle. J'en avais 10, t'en avais 12, t'avais pas le droit de me faire du mal. Moi, je pardonne tous les humains si les humains savent parler. Mais réduire tes actes au silence, ça me donne envie de te canner. T'as vu le son de Kanye West, cousin, bah c'était la même. Dans la caravane de la vieille, j'entends encore le môme qui pleure. Les murs se teintent de rouge, ça sème. Ton petit cœur à lui, il saigne, donc la zizanie, il sème. Heureusement que j'avais garage, bande de Dejaco et ma mère. Parce que tes tailles m'ont pas aidé, parce que ton shit m'a pas aidé. Aujourd'hui j'en sors tout doux, l'esprit, le corps, tout est cassé. Je sais que l'amour peut réparer, je le vois dans les yeux du fils de 2D. Son sourire vaut tout pour moi, celui de sa mère je peux pas t'en parler. J'avale mes larmes devant le micro, je me fais discret comme un micron. La vie chaque jour c'est un micmac, mon âme je détaille comme un litron. Pourtant dehors le ciel est bleu, mais c'est bizarre, j'ai toujours le blues. Je fais en sorte de fuir l'institution. L'homme en bleu, les blanches blouses, scorpion dans les bottes. Son venin m'a fait grandir, saute à pieds joints dans la flaque de pisse. Quelle éclabousse, c'est crasseux. Ma parole c'est mon arme, mais j'ai les outils nécessaires pour que la leur s'éteigne enfin, pour que les sons finissent par se taire. T'as mon numéro. Tu m'appelles quand tu veux. Quand tu seras prêt à parler. Mon oreille est toujours là, mon cœur aussi.